divague. Moi qui espère, toi tu dragues et te caches en ton silence. Vague amère d'une mer divague, même si je crois au miracle, je me doute de ma sentence. Si tu veux partir, bien pars maintenant. Lentement, doucement, mais sûrement. Avant que mon cœur m'embrasse ton sang. Si tu veux partir, bien pars maintenant. Va t'en pendant qu'il est encore temps. Avant qu'on m'éveille et qu'on coule ton sang. Blesse, je me sens sale. Quelle importance ai-je pour toi? Maladresse, adresse du mal. Il me reste un pétale et je le garde pour moi. Sans nous, entre nous, Jour où nous finirons dans les s'évanouir, là où le ciel s'achève. Je cherche sur tes lèvres le chemin de mes nuits. Quand il ne reste plus que quelques rêves perdus, tous les mots qu'on se dit, ces pensées qui nous lient, sont comme des larmes aux yeux, des instants si précieux qu'on voudrait les garder. Au fond de nous cachés, puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie. Si un jour toi aussi tu sentais que tu m'aimes, puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie, on pourrait tous les deux essayer d'être heureux. J'ai lu dans ton regard un peu de notre histoire, mais la fin tu le sais, personne ne la connaît. Tout au fond de nos cœurs, ton étoile se meurt. Si on y prenait garde, on pourrait par mégarde sur la plage des sables effacer sur le sable les rêves qu'on fait à deux sous une pluie d'étoiles. Puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie. Si un jour toi aussi tu sentais que tu m'aimes, puisque c'est toi que j'aime, toi qui manques à ma vie, on pourrait tous les deux essayer d'être heureux. Je ne pourrai plus avoir aucun autre homme d'un celui qui en veut à toute chose heureuse et caresse avec joie les malheurs qu'il provoque, souriant bêtement des abîmes qu'il creuse et ne sachant trop plus ce qui fait rire au choc. À celui-là je dis qu'il est une promesse, une fleur d'amour, un sourire d'enfant logé au cœur même de ton âme en détresse. Sois heureux du soleil et des nuages autour. À celui qui au cœur ne garde nulle place aux joyeux souvenirs que notre enfance crée, aucun tendre remords, nul accord de guitare nous faisant souvenir qu'on a déjà aimé. À celui-là je dis qu'il est une promesse, une fleur d'amour, un sourire d'enfant logé au cœur même de ton âme en détresse. Du soleil et des nuages autour. Ah. Sois heureux du maçon qui travaille la pierre. Sois heureux de la fille qui est faite pour aimer. Sois heureux de l'oiseau qui vole pour sa misère, autant que pour sa joie, et ne sait que chanter. Autant que pour sa joie, et ne sait que chanter. Une fleur d'amour, un sourire d'enfant logé au cœur même de ton âme en détresse. Sois heureux du soleil et des nuages autour. Sois heureux du soleil. Chaque seconde, je sais que l'amour tourne court, que ce n'est pas la fin du monde, mais je ne m'en remettrai pas, tellement c'est fort, j'ai dû rêver, me disant c'est la dernière fois, je n'ai plus l'âge des contes de fées. Quand tu ne m'aimeras plus, qui je serai, où j'irai, quand tu ne m'aimeras. Quand tu bonheur me faisait peur. Souffrir semblait plus facile. On devient lucide au fil d'erreur. Je pourrais jamais dormir tranquille. Et si en fait je disais ça, comme pour conjurer le sort, que l'histoire ne se répète pas et que j'ai l'âge d'y croire encore. Quand tu ne m'aimeras plus, qui je serai, où j'irai? Quand tu ne m'aimeras plus, de moi qu'est-ce que j'en ferai? Je me perdrai une fois de plus, même s'il ne faut jamais dire jamais. J'oublierai pas ce que j'ai connu, j'imagine même pas un après. Quand tu ne m'aimeras plus, qui je serai, où j'irai? Quand tu ne m'aimeras plus, de moi qu'est-ce que j'en ferai? Je me perdrai une fois de plus, même s'il faut jamais dire jamais. J'oublierai pas ce que j'ai connu, j'imagine même pas. Et le fleuve est si froid. Le pont s'est écroulé. Nous n'irons pas plus loin. Comment faire pour aller de mon bord vers le tien? Nos rêves sont trop lourds. Ils ne voleront pas. C'est la fin du parcours entre mon corps et toi. C'est la fin du voyage, la dernière écriture sur la dernière page. S'efface nos blessures. Que j'écris est un geste vers toi. Sous le poids de la vie, le pont s'est écroulé. Sur le fleuve endormi, comme un rêve noyé. Nos rêves sont trop. Le pont s'est écroulé. C'est la fin du voyage, la dernière écriture sur la dernière page. S'effacent nos blessures. Thank you. tu m'aimes. Jamais des instants qui ne viennent pas et ce qu'on voulait pas. Puis il y a des soirs bénis, échappés de l'oubli. Ces petits bouts de destin, longtemps on s'en souvient. Fait d'or et d'argent, depuis je t'attends. Dans le vent, il me parle de tout. Souvent que plus jamais on recommencera. Mais comme tous les menteurs, on dit pas ce que l'on croit. Notre histoire ressemble au dernier rendez-vous. On en a marre d'attendre, après tout on s'en fout. Le temps qui passera, passera bien sans nous. C'était toi, c'était moi, et c'est plus rien du tout. Mais je t'aime encore, je t'aime encore. La vie demain me donnera raison ou tort. Je t'aime encore, c'est pas la mort. D'aimer autant, d'aimer si mal, d'aimer si fort. Ressemble à un conte d'enfant. Il y a plus de sorcières que de princes charmants. Il y a moins de fées que de lutins méchants. Je vais pas la réveiller, la belle au bois dormant. Notre histoire ressemble à ces histoires d'amour. On dit que c'est la fin, mais c'est pas pour toujours. On sait qu'il y aura d'autres histoires à venir qui feront du passé un plus bel avenir. Je t'aime encore. Mais au bout toujours du danger. C'est dans la force et la faiblesse qu'on apprend à aimer, à vivre des fleurs fanées, des ors noyés dans la tristesse, des oiseaux prisonniers de nos mensonges, de nos promesses, aimer jusqu'au bout, d'hier jusqu'à demain. tristesse interdite.